être toujours élégant, monsieur, madame et les enfants. Ainsi d'ailleurs que mademoiselle vont dans une maison modèle. Oui, ils vont tout de go, ils vont tout aux galeries Diderot. Galerie Diderot, collège Diderot, boulevard Diderot, impossible de vivre en France sans prononcer plusieurs fois par an le nom de Diderot. Et cette année, ce sont les agrégatifs de philosophie qui ont le plaisir de bûcher sur son œuvre littéraire, philosophique, encyclopédique et à bien des égards scandaleuse. Pourquoi Diderot fut-il jeté en prison en 1749? Comment a-t-il pu continuer à publier l'encyclopédie malgré les interdictions et la censure? Comment a-t-il développé la technique de l'écriture en clin d'œil pour conjurer cette censure? Cette semaine, portrait en quatre temps, à partir de quatre textes majeurs, Le rêve de D'Alembert, La religieuse, Jacques le fataliste et pour commencer, La lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient. Le ci-devant Denis Diderot. C'est moi. Par ordre du roi Louis le XVe, vous êtes en état d'arrestation. Vous m'emmenez? Tout à fait. Au donjon de Vincennes, monsieur. Vous ne pensez pas qu'on va vous loger à la Bastille? Mais enfin. Allez. Louis, tu ne peux apprécier l'esprit de monsieur Voltaire un soir et enfermer le lendemain monsieur Diderot. Il fait partie des hommes de lettres les plus brillants de notre siècle. Diderot alimente l'esprit de révolte et affaiblit mon autorité. Il oublie qu'il n'y a qu'une devise dans notre pays. Un roi, une foi, une loi. Comment as-tu pu signer une lettre de cachet contre lui? Cet emprisonnement est indigne de toi. Mais c'est ce Diderot qui est indigne! Il a commis une faute irréparable. Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient. Ce monsieur ose y prétendre que Dieu n'existe pas! Cet ouvrage est anonyme. Mais dans quel camp es-tu, Jeanne? Si Diderot pense que Dieu n'existe pas, alors je n'existe pas, et le royaume de France non plus! Bonjour Colas Duflo. Bonjour Adèle Vendrette. Merci d'être avec nous ce matin depuis chez vous. On l'entend évidemment, le confinement continue. Je suis ravie d'ouvrir cette semaine sur Diderot en votre compagnie. Diderot auquel vous avez consacré plusieurs ouvrages, un Diderot philosophe, un Diderot du matérialisme à la politique. Vous avez aussi proposé une philosophie des pornographes, les ambitions philosophiques du roman libertin, et on en parlera parce que évidemment Diderot est concerné de plein fouet. Mais d'abord, dites-nous pourquoi Diderot se fait enfermer, emprisonner sur ordre du roi après avoir publié cette lettre sur les aveugles de manière anonyme, le précise bien Madame de Pompadour dans l'extrait qu'on a entendu. Alors, de manière anonyme, oui, mais la police du livre au XVIIIe siècle est tout de même très bien faite. Hein. Ils ont des renseignements sur tout le monde, ils savent qui écrit quoi. Et Diderot est déjà sous surveillance depuis un moment, puisqu'il a publié en 1746 les Pensées philosophiques, qui est un texte clairement antichrétien. Et puis, il a publié les Bijoux indiscrets, on en parlera tout à l'heure, qui roman à la fois libertin et philosophique, et puis donc il est déjà fiché, hein. Et puis en 1749 en effet il publie la lettre sur les aveugles et l'extrait que nous écoutions dit clairement ce qui fait scandale, c'est qu'en fait à l'intérieur de la lettre sur les aveugles, ça commence comme un texte de philosophie de la connaissance, peut-être qu'on aura le temps de l'évoquer plus, oui bien sûr. Et puis, au milieu, Diderot imagine le dialogue entre un mathématicien aveugle, Sanderson, et un pasteur sur le lit de mort de Sanderson. Et c'est un texte, c'est un très beau dialogue, mais c'est un texte franchement hâté. Et évidemment, bon là, le lieutenant général de police a considéré que Diderot avait passé les bornes et donc l'a envoyé quelques mois à Vincennes, ce qui est évidemment un événement décisif dans son existence. Mais il était de coutume à l'époque de jeter en prison les écrivains subversifs ? Alors oui, on emprisonne assez facilement. Au XVIIIe siècle, on emprisonne d'abord les gens qui vendent les livres. Ah, on ne vous entend pas très bien, Colas Duflot. Vous êtes revenu, allez-y. Mieux, là, oui. Oui. Donc on emprisonne les gens qui vendent les livres, disiez-vous. Oui, on emprisonne les colporteurs, on emprisonne les imprimeurs clandestins, on emprisonne... voilà. Et puis, quand les auteurs les bornes, on emprisonne aussi les auteurs. Et en l'occurrence, Diderot va, le 24 juillet exactement, il est en prison. La liaison n'est pas assez bonne. Alors, je vous propose, le temps que vous vous reconnectiez, d'entendre tout de suite un extrait de la lettre sur les aveugles. Écoutez l'extrait, le texte lu par Denis Podalydès pour vous, chers auditeurs. Cet extrait essaye de montrer pourquoi, comment finalement notre constitution physique et physiologique détermine directement notre morale. En l'occurrence, comment le fait d'être aveugle, par exemple, va déterminer notre sens moral? Est-ce qu'on va être plus sensible à certaines choses plutôt qu'à d'autres? Si c'est le cas, eh bien, ça va induire ce qu'on appelle un relativisme moral, ce qui est extrêmement dangereux pour l'époque. Voici le texte. Comme je n'ai jamais douté que l'état de nos organes et de nos sens n'ait beaucoup d'influence sur notre métaphysique et sur notre morale, et que nos idées les plus purement intellectuelles, si je puis parler ainsi, ne tiennent de fort près à la conformation de notre corps, je me mis à questionner notre aveugle sur les vices et sur les vertus. Je m'aperçus d'abord qu'il avait une aversion prodigieuse pour le vol. Elle naissait en lui de deux causes, de la facilité qu'on avait de le voler sans qu'il s'en aperçût, et plus encore peut-être de celle qu'on avait de l'apercevoir quand il volait. Ce n'est pas qu'il ne sache très bien se mettre en garde contre le sens qu'il nous connaît de plus qu'à lui, et qu'il ignore la manière de bien cacher un vol. Il ne fait pas grand cas de la pudeur. Sans les injures de l'air, dont les vêtements le garantissent, il n'en comprendrait guère l'usage. Et il avoue franchement qu'il ne devine pas pourquoi l'on couvre plutôt une partie du corps qu'une autre, et moins encore par quelle bizarrerie on donne entre ces parties la préférence à certaines, que leur usage et les indispositions auxquelles elles sont sujettes demanderaient que l'on tînt libre. Quoique nous soyons dans un siècle où l'esprit philosophique nous a débarrassés d'un grand nombre de préjugés, je ne crois pas que nous en venions jamais jusqu'à méconnaître les prérogatives de la pudeur aussi parfaitement que mon aveugle. Diogène n'aurait point été pour lui un philosophe. Écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, Rameau à l'instant et Diderot qui va nous accompagner cette semaine. Je préfère être aveugle plutôt que de te voir partir, chantait Etta James en début d'émission. Eh bien, là, l'aveugle, c'est pas au sens métaphorique, c'est au sens figuré qu'il faut le prendre. Colas Duflot, vous êtes revenu avec nous ? Oui, nous avons changé de... Vous êtes par téléphone, bon au moins on est sûr que ça voilà. Coupera pas. Ce texte est assez incroyable parce que justement, je le disais, il s'agit de prendre le cas d'une personne aveugle-née, eh bien comme une espèce de point de départ pour essayer de prouver une théorie de la connaissance qui va induire une théorie de la morale, au fond. Il y a quelque chose, rien que dans le parti pris, d'assez subversif. Oui, alors, dans ce texte, Diderot part d'un problème classique, au fond, de la philosophie, qui est le problème de Molineux, qui est un problème évoqué par Locke. Supposons qu'on rende la vue à un aveugle-né. Sera-t-il distingué par le seul sens de la vue, la sphère et le cube, sachant que lorsqu'il était aveugle, il savait les reconnaître par le toucher. Donc c'est vraiment un problème de philosophie de la connaissance, un peu technique, hein, est-ce qu'il y a des sensibles communs, etc. Et l'anecdote qui sert de point de départ à la lettre sur les aveugles, c'est le fait que Réaumur prétend donner une réponse expérimentale à cette question en faisant opérer de la cataracte une aveugle née. Donc il organise une opération publique, c'est une sorte de spectacle, pour donner une réponse à cette question. Est-ce que l'aveugle né saura reconnaître la sphère et le cube? Et Diderot part de cette anecdote et invente une lettre à une destinatrice fictive. Comme je n'ai pas réussi à vous avoir des places pour ce formidable spectacle, eh bien, et que néanmoins je vous ai promis un divertissement savant, je vais vous écrire une lettre pour vous divertir à propos des aveugles en général, et plus largement, en fait, de l'effet des sens sur nos idées. On part d'un point commun que tout le monde accepte au XVIIIe siècle, hein, toutes nos idées nous viennent des sens. Et alors, du coup, qu'est-ce que ça fait d'avoir un sens de plus ou de moins? Attendez, pardonnez-moi, vous dites tout le monde l'accepte au XVIIIe siècle que nos idées viennent du sens, mais enfin, ce n'était pas le cas juste avant. Descartes ne serait pas du tout d'accord. Ah non, Descartes ne serait pas du tout d'accord, mais depuis Locke, d'une certaine façon, tout le monde s'est converti à... Voilà, donc c'est vraiment au XVIIIe siècle alors qu'on est d'accord là-dessus. Voilà, oui, okay. Essentiellement depuis Locke, puisque c'est à lui que tout le monde se réfère, hein, tout le monde s'est converti à cette forme d'empirisme, de sensualisme, comme on verra, c'est-à-dire que nos idées nous viennent des sens. Alors après, la question est de savoir si vraiment toutes nos idées nous viennent des sens, ou seulement certaines, etc. Et du coup, on peut imaginer des expériences sur qu'est-ce qui se passe si on ajoute un sens, ce que Voltaire va faire, par exemple, dans Micromégas, où on imagine un Saturnien qui aurait beaucoup plus de sens que nous. Et puis évidemment, il y a cette expérience qu'on peut faire moins fictivement, qu'est-ce qui se passe quand on a un sens de moins? Quels sont les effets sur nos idées? Alors, comme on le voit dans le texte qu'on a entendu, ça a des effets sur les idées morales. L'aveugle n'a pas beaucoup d'estime pour la pudeur, mais en revanche, il a une aversion pour le vol, ce qui prouve que la pudeur vient de notre... Enfin, ce n'est pas une chose d'idée, mais elle est constituée par notre expérience d'être vivant, sensible, etc. Bref, elle est le résultat de notre sensibilité. Et voilà, et du coup, toutes nos idées sont transformées par les sens. Alors évidemment, ça a aussi des effets sur les idées métaphysiques, par exemple. Et c'est pour revenir à ce que nous évoquions tout à l'heure, est-ce qu'il y a des scandales dans la lettre sur les aveugles, l'aveugle aura bien du mal à voir dans la nature un beau spectacle. Or, cet argument, la nature est un beau spectacle, est une des preuves de l'existence de Dieu, qu'on utilise le plus au XVIIIe siècle, que Kant appellera plus tard la preuve physico-théologique. Hein, on trouve Dieu par la beauté de la nature, par le fait qu'elle est bien ordonnée, bien constituée. Évidemment, tout ça ne vaut rien pour un aveugle. Et Diderot met en scène le dialogue entre l'aveugle né Sanderson et le pasteur Holmes, et l'aveugle explique au pasteur Holmes que... la preuve de l'existence de Dieu par la nature, pour lui, ça ne vaut rien, parce que la nature, c'est le hasard. La nature fabrique aléatoirement des êtres de sorte, y compris des aveugles qui n'ont pas à se féliciter de la bonté de la nature à leur égard, etc. Bon, bref, Sanderson développe l'idée que tout est hasardeux, la nature, mais bien sûr aussi l'homme, du coup, qui n'est plus... Oui. Alors, Colette Diflo, pardonnez-moi, je me permets de vous interrompre parce qu'en fait, on vous entend toujours pas très bien. Donc, on va essayer de rétablir une meilleure liaison. Et en attendant, je vais juste passer la parole à Voltaire qui a lu le texte de Diderot et qui se demande finalement quelle position tient Diderot dans ce texte. Et écoutez la manière qu'il a de le faire, c'est assez cocasse. Et en même temps, on y entend la volonté de la part de Voltaire de rencontrer ce fameux Denis Diderot. J'ai lu avec un extrême plaisir votre livre qui dit beaucoup et qui fait entendre davantage. Il y a longtemps que je vous estime, autant que je méprise les barbares stupides qui condamnent ce qu'ils n'entendent point et les méchants qui se joignent aux imbéciles pour proscrire ce qui les éclaire. Mais je vous avoue que je ne suis point du tout de l'avis de Saunderson, qui nie un dieu parce qu'il est né aveugle. Je me trompe peut-être, mais j'aurais à sa place reconnu un être très intelligent, qui m'aurait donné tant de suppléments de la vue, et en apercevant par la pensée des rapports infinis dans toutes les choses, j'aurais soupçonné un ouvrier infiniment habile. Il est fort impertinent de prétendre deviner ce qu'il est et pourquoi il a fait tout ce qui existe, mais il me paraît bien hardi de nier qu'il est. Je désire passionnément de m'entretenir avec vous, soit que vous pensiez être un de ces ouvrages, soit que vous pensiez être une portion nécessairement organisée d'une manière éternelle et nécessaire. Quelque chose que vous soyez, vous êtes une partie bien estimable de ce grand tout que je ne connais pas. Je voudrais bien, avant mon départ pour Lunéville, obtenir de vous, monsieur, que vous me fissiez l'honneur de faire un repas philosophique chez moi avec quelques sages. Je n'ai pas l'honneur de l'être, mais j'ai une grande passion pour ceux qui le sont, à la manière dont vous l'êtes. Colette Duflo, est-ce que vous êtes avec nous ? Oui, oui, enfin j'espère. Oui, ben oui, et puis on vous entend beaucoup mieux. C'est assez amusant d'ailleurs cette mise en abîme, on parle de la lettre sur les aveugles et comment le fait de pas voir influence notre connaissance et notre théorie morale, et finalement c'est exactement ce qui se passe, on ne se voit pas, donc on dépend encore plus de votre parole, n'est-ce pas ? Voilà, alors... Alors peut-être, alors on vous a pas très bien entendu dans votre développement, c'est ça qui va être dur pour vous, c'est que peut-être nous rappeler certaines choses, mais là on a en essayant de vous récupérer, on a donc entendu ce texte de Voltaire qu'il adresse à Diderot. Peut-être repartons de là pour ensuite retourner dans le texte. Quand Voltaire écrit ce texte-là où il dit qu'il n'est pas de l'avis de Sanderson, qui nie un dieu parce qu'il est né aveugle, est-ce qu'il est sincère, Voltaire ? J'ai du mal à croire qu'il soit absolument au premier degré dans ce texte. Ah oui, alors ce qui est magnifique dans cette lettre, c'est que Voltaire est lui-même spécialiste des livres qui, comme il le dit, font entendre davantage qu'ils ne disent. Hein, Voltaire disait qu'un bon livre, c'est un livre dont le lecteur fait lui-même la moitié. Évidemment, donc il juge en connaisseur, et il comprend très bien qu'il y a une différence fondamentale entre sa philosophie et celle de Diderot, parce que Voltaire est déiste, c'est-à-dire il pense qu'il y a un dieu créateur et ordonnateur, et il comprend très bien en lisant Diderot que Diderot est athée. Et ça, c'est une chose qui va beaucoup préoccuper Voltaire jusqu'à la fin de sa vie, hein. C'est la séparation entre lui-même et les penseurs de sa génération et les penseurs de la génération de Diderot, d'Holbach, qui d'une certaine façon vont plus loin que lui et défendent une position athée et non pas simplement déiste. Oui, parce que déiste, c'est pas peut-être dites-nous plus un peu plus sur ce que c'est qu'être déiste. C'est pas vraiment, c'est être croyant, mais d'une certaine manière. Le déiste, c'est celui qui pense que la nature prouve qu'il y a un Dieu et que d'une certaine façon, par notre propre raison, nous pourrions arriver à la connaissance d'un Dieu ordonnateur. Mm-hmm. Voltaire part de Newton, hein, il dit voilà, pour Newton, il y a des lois de la nature et ces lois prouvent Dieu d'une certaine façon. Et donc il y a un Dieu ordonnateur et Voltaire ajoute qu'il faut croire qu'il y a aussi un Dieu rémunérateur, que d'une certaine façon c'est le garant d'une forme de moralité. Et donc Diderot est le premier à affirmer de manière aussi explicite son athéisme au XVIIIe siècle ? Je n'ai pas entendu la question. Là. Est-ce que Diderot est le premier à affirmer son athéisme de manière aussi explicite au XVIIIe siècle ? Alors, non, Diderot n'est pas le premier. Il y a une sorte de... Alors, d'abord, il y a des philosophes athées depuis fort longtemps. D'une certaine façon, justement, dans la lettre sur les aveugles, on pourrait dire que Diderot revient à quelque chose qui se trouve déjà chez Lucrèce, hein, l'idée que le monde est le résultat du hasard, du choc des atomes, etc. Il y a un courant athée depuis assez longtemps qui circule chez ce qu'on appelle les libertins érudits depuis la fin du XVIIe siècle. Hein, ce qui se passe à ce moment-là, dans les années 1740, c'est que ce courant devient de plus en plus public, c'est-à-dire des textes qui circulaient sous forme seulement manuscrite deviennent des textes qu'on va publier, en fait. Et donc, on va avoir des gens comme Lamétri, les noms m'échappent. Oui, peu importe. Oui, c'est l'expérience de l'aveuglement. Ouais. J'ai un, J'ai un retour décalé dans mes oreilles. Ah oui, bah alors on va passer l'émission à essayer de régler le son pour qu'on puisse quand même continuer à se parler. Oui. On va revenir au texte qu'on a entendu tout à l'heure justement sur la manière qu'a notre corps d'avoir une influence directe sur notre morale. Et pour ça, comme vous l'avez dit tout à l'heure assez rapidement, et je le redis, hein, ce de quoi part Diderot dans cette lettre, c'est le problème de Molineux, à savoir un aveugle de naissance qui retrouverait la vue ou qui la trouverait pour, est-ce qu'il pourrait reconnaître un cube et un globe par la seule vue, justement, ou est-ce que notre vue nous permettrait d'identifier quelque chose que nous connaissons uniquement par les sens? Ça pose la question de savoir comment la connaissance elle-même est induite par notre rapport au monde et par notre ancrage physiologique dans le monde. Voici donc un témoignage, comment rêvent les aveugles, et vous verrez le lien qu'il y a à faire avec le texte que nous avons entendu. Comment je rêve? Eh bien, je rêve comme je vis. C'est-à-dire que je rêve sans voir. C'est tout simple. Ou je rêve avec le peu de perception lumineuse que j'ai, qui me permet de voir le jour, la nuit, le clair et le sombre. En gros, le noir et le blanc. Je dis que chez moi, on n'a pas inventé la télécouleur. Et donc, je rêve au travers des bruits que j'entends, des odeurs que je sens. Et ça surprend beaucoup les gens parce qu'il paraît que on rêve très peu avec les odeurs et le goût. Eh bien, moi, je peux, lorsque je dors et que je rêve d'une soirée de famille, je peux rêver d'un rêve de bon vin. Et c'est très agréable. France Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. On essaye justement de faire le chemin de la philosophie dans ces conditions collées du flou. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, je vous entends et du coup je m'entends moins, donc c'est parfait. C'est vrai que nous avons du mal à cheminer. Mais oui, et je vous remercie pour votre patience. Je sais à quel point c'est difficile pour vous d'arriver à vous concentrer dans ces conditions, donc je vous suis très reconnaissante d'être là quand même. Est-ce qu'on essaye de revenir sur le fond justement de la lettre sur les aveugles à travers le témoignage qu'on a entendu, et cette question-là est à prendre au sérieux, à quelque chose de fascinant, de savoir dans quelle mesure notre rapport physiologique au monde va induire notre connaissance et notre morale. Oui, c'est un des points qui d'ailleurs intéresse toujours aujourd'hui les gens qui travaillent sur la question des aveugles, le handicap, etc. Enfin, c'est un texte qui est encore beaucoup lu aujourd'hui, oui. Parce que Diderot s'intéresse pas seulement d'un point de vue purement théorique à cette question de l'aveuglement et de ses effets. Donc, il met en scène une sorte d'enquête et il raconte qu'il va voir cet aveugle du Puiseau, qu'il regarde comment il fait des ouvrages difficiles à faire, comment il se déplace dans le noir, enfin des choses comme ça. Bref, il s'intéresse au qu'est-ce que c'est vraiment que d'être aveugle et quels effets ça produit. Et du coup, il s'intéresse aussi à ce cas très fameux qui est le cas de Sanderson, qui Diderot invente beaucoup de choses, mais le personnage a vraiment existé. C'est un mathématicien qui a occupé une chaire à Oxford et qui a enseigné les mathématiques. Et donc, Diderot part de là pour se demander comment enseigner les mathématiques, comment peut-on enseigner les mathématiques lorsqu'on est aveugle. Voilà, donc ce qui évidemment amène à une réflexion sur les sens, mais aussi sur la raison, enfin sur le rapport des deux. Et je précise, je précise pour ceux qui se demanderaient, mais pourquoi les aveugles en particulier, que cette lettre sera suivie par une lettre sur les sourds et muets. C'est-à-dire que c'est pas simplement à travers le problème de la vue qu'il pose cette question-là. Non, c'est la question au fond, l'effet de la sensibilité sur nos idées. sur nos idées en général, bien sûr sur nos connaissances, mais aussi sur nos idées métaphysiques et morales. Et alors, si on revient aux raisons de l'enfermement de Diderot et à son athéisme, évidemment, ce dialogue de Sanderson va... et le point qui est décisif, c'est qu'au fond, à partir de l'héritage du matérialisme antique, hein, dire que le monde n'est pas le résultat d'une finalité providentielle, du choc hasardeux des atomes, ça s'applique aussi à l'homme. Hein. L'homme n'est pas le résultat d'une providence, c'est l'effet du hasard, il aurait pu ne pas exister. Voilà. Donc le matérialisme de Diderot, c'est d'abord... une réflexion sur la nature, c'est d'abord un anti-finalisme. Voilà, il n'y a pas de finalité dans la nature. Du coup, il faut partir de là, le fait que notre existence est fondamentalement contingente. C'est ça. Et la prise de position de Diderot contre le finalisme est quelque chose de décisif pour comprendre cette philosophie. On parlera de Jacques le fataliste jeudi, où il en sera question de manière directe. Mais un instant quand même encore sur ce point, dire qu'il n'y a pas de finalité, ça veut dire que, en fait, c'est une manière de, vous l'avez dit rapidement tout à l'heure, de renouer avec quelque chose qui serait plus du côté de Lucrèce, de l'atomisme antique, à savoir que nous sommes le résultat de rencontres d'atomes et qu'il n'y a pas de destin. Il n'y a pas de sens prédonné à l'existence et qu'au fond, notre existence est guidée par le hasard et la contingence. Exactement. Hein, l'existence humaine, l'humanité en tant qu'espèce est le résultat d'une forme de hasard. Il a, dans cette lettre sur les aveugles, il y a un passage, c'est Sanderson qui parle, je peux vous lire ce petit passage. Hein. Si le premier homme eût eu le larynx fermé, eût manqué d'aliments convenables, eût péché par les parties de la génération, n'eût point rencontré sa compagne, ou se fût répandu dans une autre espèce, Monsieur Holmes, que devenait le genre humain? Il eût été enveloppé dans la dépuration générale de l'univers. Et cet être orgueilleux qui s'appelle homme, dissous et dispersé entre les molécules de la matière, serait resté peut-être pour toujours au nombre des possibles. Mmh. Voilà. Et voilà pour l'orgueil humain, hein, l'homme n'est pas le centre de la création, c'est un effet de hasard, comme d'ailleurs la nature elle-même. Et pourtant, chez Diderot, de ce constat-là, ne naît pas une forme de désespoir ou de détresse face à l'existence qui n'a aucun sens. On a l'impression qu'au contraire, ce constat-là est quelque chose qui va décupler, alors peut-être pas son appétit de vivre, mais en tout cas sa curiosité à explorer la vie dans tous ses recoins. Parce que Diderot, c'est ça aussi, c'est l'espèce d'exploration de la vie dans les moindres détails. Ça va de l'intestin à la poussière jusqu'à l'infiniment grand. Ah oui, alors ça c'est ce qui est formidable et qu'il faut dire. Évidemment, nous sommes habitués, au fond, depuis les existentialistes, à concevoir l'idée que l'humain est contingent, l'idée qu'il n'y a pas de sens prédonné, comme une idée dramatique, et il faudrait prendre des airs tout à fait affligés pour dire qu'il n'y a pas de sens préconstruit. Mais chez Diderot, c'est plutôt quelque chose de réjouissant. Oui, c'est une philosophie joyeuse. Il n'y a pas de sens préconstruit, mais bien sûr... il faut travailler à donner du sens, il faut vivre avec cette contingence, mais il n'y a pas de quoi s'en lamenter. Hein. Diderot est très... De toute façon, il n'est jamais... C'est une des choses qui fait toujours plaisir quand on lit Diderot, c'est qu'il n'est jamais du côté de la lamentation. Non, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et il y a une autre dimension de Diderot qu'on peut explorer ce matin, puisqu'on essaye d'en proposer le portrait. D'ailleurs, on a intitulé l'émission « Portrait d'un homme indiscret ». Cette indiscrétion, je vous propose qu'on s'y arrête un instant par un petit détour avant d'arriver à son texte « Les bijoux indiscrets ». Voici un court extrait de film qui vous présentera une autre facette du personnage. Faites-nous partager votre bonne humeur, monsieur Diderot. Eh bien, madame Terbouche et moi, nous parlions de bougrerie. Je ne veux pas en entendre parler sur toi à table. Le péché sodomite est puni des tourments éternels. Pourtant, monsieur le cardinal, c'est moins un sot que le plaisir solitaire. Puisqu'il ne s'agit que de volupté, autant donner du plaisir à deux plutôt qu'à un seul, autant se montrer partageur. Partager un vice, hein, ça fait deux pêcheurs, au lieu d'un. Pêcheur! Quel vilain nom vous donnez à la générosité. Quand un homme rejoint un autre homme, il ne fait guère que se livrer à une masturbation altruiste. Monsieur Diderot donne ses lettres de noblesse à la masturbation elle-même. C'est ça, la morale de l'encyclopédie. Vous m'avez bien lu, monsieur le cardinal. L'encyclopédie donne ses lettres de noblesse au plaisir. Vous n'êtes qu'un libertin. Je le prends comme un compliment. Être libertin, c'est savoir dissocier le sexe et l'amour, le couple et l'accouplement. Être libertin, c'est avoir le sens de la nuance et de l'exactitude. Le libertin, c'est le titre de ce film de Gabriel Aguillon qui est sorti en 1999. Est-ce que le mot de libertin s'applique à Diderot, Colas Duflot ? Je ne pense pas que Diderot accepterait le mot lui-même de libertin, parce que le mot est insultant, en fait, au XVIIIe siècle. Enfin, il ne pourrait pas accepter le mot lui-même. En revanche, ce qui est dit, c'est-à-dire la remise en question des normes morales catholiques, ça, c'est quelque chose qu'on trouve très clairement chez Diderot. Ce qui ne veut pas, c'est au fond ce que Diderot s'attache à montrer, que le philosophe, c'est celui qui se pose des questions sur la nature, sur Dieu, sur la morale, etc., mais qui se conduit en société de façon irréprochable. C'est pour ça qu'il n'accepterait pas le mot libertin à appliquer à lui-même. En revanche, sur le plan de la pensée, il est bon de remettre en question des normes, et par exemple d'interroger la condamnation de la sexualité, qui est le résultat de normes chrétiennes que Diderot n'accepte pas. Alors, de ce point de vue, le texte le plus extraordinaire, c'est le supplément au Voyage de Bougainville. Mais même dans l'encyclopédie, comme le disait l'extrait que nous avons entendu, même dans l'encyclopédie, il y a en effet une défense du plaisir, et j'invite tous les auditeurs à aller lire l'article « Jouissance » de l'encyclopédie, hein, qui est un très très beau texte, en fait, un beau texte littéraire sur la jouissance, et qui au fond est en effet une défense du plaisir. Parce que le plaisir, c'est la vie, et la morale de Diderot, c'est toujours une morale qui entend s'appuyer sur la nature, sur la vie, au fond contre toutes les condamnations qui empêchent de vivre. Et jouissance masculine comme féminine, je précise que Diderot, et ça on en parlera quand on parlera du rêve de D'Alembert demain justement, tient à d'un point de vue purement physiologique à n'établir aucune hiérarchie entre l'homme et la femme. Oui, en effet, oui. Parce que t'es assez notable pour être remarqué au milieu du XVIIIe siècle. Oui, ça, de ce point de vue, il suffirait de comparer Diderot à Rousseau, par exemple, pour se faire une haute idée de Diderot. Alors, un mot sur les bijoux indiscrets. Le texte, rien que le titre déjà, est assez énigmatique. Il paraît juste avant la lettre sur les aveugles. Avant de dire ce que c'est que ce bijou et pourquoi il est indiscret, est-il vrai que ce texte a été écrit par Diderot pour entretenir sa maîtresse, Madame de Puisieux ? On ne sait pas si c'est vrai. C'est ce que disent Madame de Vandel, qui est la fille de Diderot, et Néjon, qui est l'exécuteur testamentaire de Diderot. Comme ils sont soucieux donc ils le disent post-mortem, hein, comme ils sont soucieux de la respectabilité de Diderot le philosophe, du coup, ils présentent ce texte comme le résultat d'un égarement de jeunesse, d'un pari dont Diderot se serait repenti. En fait, c'est la faute de Madame de Puisieux, au fond. Ouais. Voilà. On peut en douter parce que Diderot, jusqu'à assez tard dans sa vie, a continué à penser à ce texte. Notamment, il avait préparé en vue peut-être d'une réédition, on ne sait pas, mais en tout cas, il y a des chapitres qu'il a écrits beaucoup plus tard. Donc, c'est la preuve qu'il ne reniait pas entièrement ce texte. Alors on va en écouter un extrait, c'est un texte qui doit se lire plusieurs fois au fond, et là on est au cœur du style de Diderot, ça demande souvent une seconde lecture pour bien saisir le sens du texte, et c'est toujours un plaisir de le lire heureusement, donc on est dans une ambiance de conte érotique orientale, on a ce personnage qui s'appelle Alcine, qui était vive et jolie, nous dit Diderot, elle arrive à la cour du sultan et elle fait en sorte d'être... épousée par le sultan, et au moment où cela arrive, le sultan fait tourner une bague autour de son doigt, et au moment où il fait tourner sa bague, une voix commence à parler, toute la question de savoir « mais d'où vient cette voix ?» Écoutez le texte. Le sultan tourna sa bague sur elle, et l'on entendit aussitôt murmurer sous ses jupes « Me voilà donc titré. Vraiment, j'en suis fort aise. Il n'est rien tel que d'avoir un rang. Si l'on eût écouté mes premiers avis, on m'eût trouvé mieux qu'un émir. Mais un émir vaut encore mieux que rien. » À ces mots, toutes les femmes quittèrent le jeu pour chercher d'où partait la voix. Ce mouvement fit un grand bruit. « Silence !» dit Mangogul. « Ceci mérite attention. » On se tut et le bijou continua. « Il faut qu'un époux soit un hôte bien important, à en juger par les précautions que l'on prend pour le recevoir, que de préparatifs, quelle profusion d'eau de myrte, encore une quinzaine de ce régime, et c'était fait de moi. Cependant, continua le bijou d'Alcine, il m'a semblé que l'émir n'avait pas besoin qu'on y fît tant de façons. Mais je reconnais ici la prudence de ma maîtresse. Elle mit les choses au pis-aller, et je fus traité pour monsieur comme pour son petit écuyer. Qu'est-ce que c'est que ce bijou d'Alcine qui parle, Colas Duflot? Je vous laisse l'honneur de révéler le secret de ce texte à l'auditeur. Oui, alors les bijoux indiscrets, c'est un roman libertin qui part de au fond, le scénario vient d'un fabliau du Moyen-Âge qui s'appelle le chevalier qui fit les cons parler. Voilà, donc l'idée, c'est que le génie Cucufa a donné au sultan Mangogul une bague magique. Et lorsque Mangogul tourne sa bague, les femmes s'expriment par leur organe sexuel. Alors donc, c'est un point de départ totalement grivois et assez mince. Assez mince, là, c'est quand même un sacré scénario de faire parler le sexe des femmes. Oui, mais oui, oui. Vous dire que ça va plus loin, c'est au-delà du tour de force, c'est au-delà juste de la bonne idée de départ. Voilà, à partir de ce scénario grivois qui, en effet, que Diderot n'invente pas, Diderot fabrique un conte oriental à la française, un peu à la manière de Crébillon. La version libertine du conte oriental à la française, mais il en fait aussi un texte satirique. Alors là, il lorgne plutôt vers les lettres persanes de Montesquieu, 1721, qui est une satire de la Régence et de Paris. Bon, c'est bien ici le modèle. Et il en fait aussi un texte philosophique. À partir de ce prétexte grivois, donc le sultan Mangogul va aller visiter les différentes femmes de la cour à la recherche d'une femme qui aurait été fidèle. Et puis, donc, c'est une sorte de passage en revue satirique. Et puis, entre ces chapitres où le sultan interroge les bijoux des femmes, il glisse des chapitres qui sont, au fond, un passage en revue satirique de toutes les questions disputées du moment. On voit la dispute des Newtoniens contre les Cartésiens, la dispute des Ramistes contre les Lullistes, mais aussi on discute de questions fondamentales comme sommes-nous libres, l'âme est-elle matérielle ou immatérielle, voilà. Et donc Diderot se sert au fond de ce véhicule du conte libertin pour faire une sorte d'encyclopédie satirique, philosophique, c'est la grande réussite de ce roman qui va beaucoup circuler sous le manteau au XVIIIe siècle et qui est lu jusqu'en Allemagne, puisqu'on en a des témoignages, notamment parmi les sujets que Diderot aborde. Relativement au seuil de son œuvre, il y a des sujets qui vont beaucoup l'occuper, comme la question d'une nécessaire réforme du théâtre. Enfin voilà, c'est une sorte de texte un peu initial, mais à partir de ce texte, Diderot va développer beaucoup de potentialités. Alors, vous évoquiez, vous disiez, au fond, ce point de départ, ça n'est pas rien. Vous avez raison, parce que là aussi, on touche à quelque chose de très propre au matérialisme diderotien. Cette fiction, ce point de départ fictionnel, ça renvoie à quelque chose qu'on va retrouver très tardivement chez Diderot, c'est l'intérêt pour la physiologie, et en particulier le fait de penser que les organes ont une volonté propre et que c'est la synthèse de toutes les volontés de nos différents organes qui fait notre propre volonté. Hein, nos organes sexuels ont une sorte de volonté propre, mais aussi notre estomac, nos poumons, etc. D'une certaine façon, penser que nous sommes la synthèse de toutes les volontés, si on peut dire, de nos différents organes, c'est quelque chose qu'on va trouver... On le trouve dans le rêve de D'Alembert, ça, notamment, non ? Voilà, c'est quelque chose qu'on va trouver formulé de façon très sérieuse chez Diderot lorsqu'il s'intéresse à la médecine vitaliste. Au fond, c'est une thèse matérialiste. Nous sommes un corps, il n'y a pas d'âme. Et donc, il faut en tirer les conséquences. Hein, c'est ce qu'on appelle le monisme, il n'y a pas d'âme, il n'y a qu'une seule substance, et c'est le corps. Il faut en tirer les conséquences. Hein, et les conséquences sont, d'une part, en effet, nous ne sommes pas libres, mais aussi que, du coup, il faut s'intéresser à la manière dont notre corps influence notre façon d'être, notre façon de penser, nos volontés. Voilà. Et du coup, évidemment, pour en revenir à la question morale qu'on évoquait tout à l'heure, les normes morales inspirées de l'Église catholique, qui supposent que nous avons une âme spirituelle et une volonté libre, avant d'être contestables, c'est même pas la question, elles sont surtout une grave erreur sur la nature humaine, puisqu'elles supposent deux choses qui, pour Diderot, sont des illusions, hein, l'âme spirituelle et la liberté. Et voilà. Alors, d'une certaine façon, les bijoux indiscrets permettent de dérouler tous ces thèmes de façon ludique, métaphorique, voilà. Mais c'est une entrée possible dans la philosophie de Diderot. Regardez-y de près et vous verrez que le mot liberté est un mot vide de sens, qu'il n'y a point, qu'il ne peut y avoir d'être libre, que nous ne sommes que ce qui convient à l'ordre général, à l'organisation, à l'éducation et à la chaîne des événements. Ce qui nous trompe, c'est la prodigieuse variété de nos actions, jointe à l'habitude que nous avons prise tout en naissant de confondre le volontaire avec le libre. Nous avons tant loué, tant repris, et nous l'avons été tant de fois que c'est un préjugé bien vieux que celui de croire que nous et les autres voulons, agissons librement. Mais s'il n'y a point de liberté, il n'y a point d'action qui mérite la louange ou le blâme. Il n'y a ni vice, ni vertu, rien dont il faille récompenser ou châtier. Qu'est-ce qui distingue donc les hommes ? La bienfaisance et la malfaisance. Le malfaisant est un homme qu'il faut détruire, mais non punir. La bienfaisance est une bonne fortune et non une vertu. Mais quoique l'homme bien ou malfaisant ne soit pas libre, l'homme n'en est pas moins un être qu'on modifie. C'est par cette raison qu'il faut détruire le malfaisant sur la place publique. De là, les bons effets de l'exemple, des discours, de l'éducation, du plaisir, de la douleur, des grandeurs, de la misère, etc. Colette Duflot, bien sûr, la première objection qu'on peut adresser à quelqu'un qui dit que la liberté n'existe pas, que nous ne sommes qu'un corps, qu'il n'y a pas d'âme, qu'il n'y a pas de substance autre que celle du corps, c'est de lui dire, mais au fond, dans ce cas, il n'y a plus de morale, on peut plus juger les hommes. Et lui-même intègre cette objection et le dit bien, dit oui, non, il n'y a pas de morale, mais au fond, il y a un critère qui va distinguer les hommes des autres, c'est la bienfaisance et la malfaisance, dit-il dans cette lettre à Landois du 29 juin 1756. Et il va très loin parce qu'il dit qu'au fond, le malfaisant, il faut pas le punir, il faut le détruire sur la place publique. À quel type de malfaisance pense-t-il ici? Oui, en fait, ce qu'il s'agit de montrer, c'est que cette idée que si on est fataliste, donc fataliste, hein, c'est au sens 18e-iste, hein, c'est-à-dire penser qu'il n'y a pas de liberté métaphysique, hein, que nous sommes pris dans des chaînes de causes et d'effets, nous sommes au fond l'histoire de notre corps, de notre éducation, etc. Bon, bref, si on est fataliste, on on va dire, ah bah, dans ce cas-là, il n'y a pas de morale. Alors Diderot dit non, ça n'est pas vrai. Si on est fataliste, on pense en effet qu'il n'y a pas de liberté, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de morale à proprement parler. Parce que nous sommes des êtres vivants, nous vivons en société, et l'homme est naturellement sociable chez Diderot, et la morale, c'est tout ce qui va favoriser cette vie sociale. Et pour en revenir donc à cette question de le malfaisant, d'abord, dire que nous ne sommes pas libres, c'est dire que nous pouvons être éduqués. Et au fond, nous le savons tous, nous pouvons être éduqués. C'est très important d'éduquer les enfants, les adultes, etc. Alors, nous sommes éduqués à coup d'incitation, de félicitations. Nous sommes aussi éduqués à coup d'interdiction. On le sait bien, en ce moment, il faut sortir avec son autorisation. Sinon, je ne sais pas si le but est de nous éduquer, hein, mais... Sinon, on a une amende, etc. Bon, voilà. Donc, l'homme est justement, comme nous sommes, notre volonté est le résultat d'une série de causes. Au fond, il y a des incitations possibles. Alors, évidemment, on pourrait imaginer, dans le pire des cas, que... l'exécution du malfaisant en place publique puisse être une forme d'éducation des autres. Hein, Mais qu'est-ce qu'il aurait fait le malfaisant ? Qui est malfaisant parmi les... De quoi est-il coupable le malfaisant ? C'est par cette raison qu'il faut détruire le malfaisant sur la place publique. Oh, bah, dans ce cas-là, je pense que ça renvoie évidemment aux crimes les plus graves pour lesquels on peut exécuter en place publique... au XVIIIe siècle. On est donc en 1756. Quels sont les crimes pour lesquels, je ne sais pas, le meurtre... voilà. Donc il est pour la peine de mort, en gros. Le malfaisant est un homme qu'il faut détruire et non pas punir. Oui, on peut dire que Diderot est pour la peine de mort. C'est-à-dire, c'est un peu compliqué de dire qu'il est pour la peine de mort, au sens où j'ai l'impression que le débat ne se... Le débat n'est pas posé, ouais. En tout cas pas en 1756, mm-hmm. C'est-à-dire il constate qu'en effet, c'est plus un constat d'ailleurs qu'un souhait, hein, nous le savons bien que l'homme n'est pas libre, la preuve c'est que nous éduquons les enfants, la preuve c'est que nous exécutons les condamnés sur la place publique. Pourquoi est-ce qu'on les exécute sur la place publique? Précisément pour donner une leçon aux autres, c'est-à-dire pour engendrer une série de causes et d'effets qui vont décourager les autres de faire la même chose, etc. Donc, au fond, nous ne voulons pas admettre que nous ne sommes pas libres parce que ça nous fait plaisir d'être libres, parce que, etc. Il y a une sorte d'orgueil humain, mais au fond, nous le savons. Mm-hmm. Si nous nous regardons nous-mêmes, nous voyons bien que tout ce que nous avons fait depuis que nous nous sommes levés ce matin est le résultat d'une série de causes et d'effets. Nous avions pris rendez-vous, nous avions une émission à faire, nous parlons de ce que nous essayons de etc. Bon, bref, au fond, il n'y a aucun moment où nous avons eu une décision qui viendrait de nulle part. Voilà. Et nous le savons en réalité, Diderot. Et la preuve que nous le savons, c'est précisément que on éduque à la fois par la répression et par l'incitation. Je pense que c'est... L'homme n'en est pas moins un être qu'on modifie, dit-il. Tout est dans cette modification, puisque justement, d'ailleurs, son point de vue d'examen moléculaire du corps humain fait qu'il est du côté de cette modification permanente qu'est la vie et l'existence humaine en général. Voilà, il faut... au fond, se libérer de cet augustinisme qui est tellement implanté dans la philosophie, qui pense qu'il y a une liberté de la volonté, une faute, une culpabilité, etc., c'est laisser toute sa place à une autre morale qui se fondrait dans la nature humaine, qui prend en compte la conscience de nos déterminations, et aussi, du coup, à une politique. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne politique? C'est une politique qui va éduquer le citoyen, à part le système des peines et des récompenses, qui va être en faveur de la vie, qui va comprendre de façon... justement compréhensive, sympathique, la nature humaine. Et à partir de là, au fond, une autre morale est possible, ne cesse de dire Diderot. Hein, Diderot n'est pas du tout un immoraliste ou un amoraliste. Hein, une autre morale est possible que la morale chrétienne, qui soit plus conforme à la nature humaine. Merci beaucoup, Colas Duflo. Merci de vous être prêté au jeu de cette discussion ce matin à distance. On ne se voyait pas, on essayait de s'entendre. J'espère que les auditeurs auront quand même saisi le sens et l'intérêt de ces textes. La lettre sur les aveugles, suivi de la lettre sur les sourds et muets, on la trouve en édition Garnier Flammarion. Vous avez présenté Le rêve d'Alembert, Colas Duflo. J'y arrivais. Toujours en GF, dont on parlera demain d'ailleurs, de ce texte avec François Pépin. Et je renvoie aussi à vos ouvrages, Philosophie des pornographes, les ambitions philosophiques du roman Libertin au seuil, on le mettra en ligne sur le site des chemins de la philosophie. Et puis j'annonce aussi que vous dirigez le MOOC 18e siècle, le combat des Lumières, du 25 janvier au 26 mars 2021. Et les inscriptions sont ouvertes en ce moment d'ailleurs. Si vous souhaitez vous inscrire, eh bien rendez-vous sur le site des chemins de la philosophie. Merci beaucoup, Colas Duflo. On se quitte avec Arthur H. Robert est aveugle de naissance, ça c'est pas de chance. Depuis le début, avec sa canne blanche, il traîne dans les pattes de son frangin, lequel n'hésite pas à jouer de ses poings quand on se moque des lunettes noires. Il l'emmène aussi traîner dans les bars, jusqu'à ce qu'il soit tous les deux complètement noir. Quand frère travaille dans un garage, il astique les Porsche et les Jaguars. Tout ce qui file, tout ce qui fonce, c'est sa défonce. Il a passé le virus à Robert, qui reconnaît tous les modèles à l'oreille. Le petit n'a qu'une chose dans la tête, être au volant d'une de ses machines, au bruit de tempête. Hey, Jack, Jack, je t'en supplie, écoute-moi. Jack, Jack, et juste le tour du patelin. Jack, dans ma vie, y'a vraiment plus rien. Un peu de lumière pour ton petit frère. Ok, Robert, ok, ok. Ce soir, rendez-vous au Black Bar, tu paieras ta tournée aux copains. Mon Robert, je te promets la fin de tes déboires, de tes chagrins. J'emmènerai la clé de là où tu sais, et dans l'ombre j'irai chercher celle que tu désires et qui t'attend. La déesse au cœur noir et au volant d'argent. Oh Robert, avec précaution tu la caresseras, avec émotion ma voix te guidera dans les méandres de ton obscurité. Avec douceur, tu vas t'envoler. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver la question philo du jour d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça me demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. J'espère qu'on aura plus de chance avec votre liaison qu'avec celle de mon invité. Votre question aujourd'hui est la suivante. Et si le stade ultime du complot, c'était de croire à la social-démocratie? Alors je pense pour commencer qu'il faut distinguer deux phénomènes quand on parle de complotisme. Il y a la croyance en un certain ordre du monde qui relève plus de la mythologie que du complotisme. Ou bien, pour le dire autrement, le complotisme enfant, vu de ma Mayenne natale, s'appelait tout simplement Paris. On croyait qu'on était prisonnier et victime des décisions prises là-bas, dans la matrice jacobine. Le complot, ce serait cette idée supplémentaire que cet ordre des choses relève, en plus de la volonté secrète d'un groupe d'hommes, les jacobins du jacobinisme, si l'on veut. Pour débunker ce complot, il suffirait alors de montrer que le couvent des jacobins a été détruit depuis longtemps et que l'ENA est à Strasbourg. De montrer, autrement dit, que la théorie du complot se base sur quantité d'évidences fausses et de preuves incertaines, resterait pourtant irréfutable cette croyance qu'on décide à Paris de choses qu'on ignore et sur lesquelles on a peu de prise. C'est cela, je crois, que tente d'articuler le discours complotiste. Le complot qu'il exhibe ne sert qu'à formuler quelque chose de plus fondamental, une croyance en un ordre du monde qui serait fondamentalement injuste. Donc si je vous suis bien, ce que vous dites, c'est que la théorie du complot est elle-même un complot, puisqu'elle dit autre chose que ce qu'elle prétend être. Ben, en tout cas, c'est à cela qu'on la remarque. C'est cela même qui nous amuse en elle. La théorie du complot relève souvent de l'analphabétisme politique. Ne pouvant dire vraiment les raisons de son malheur, on en invente des spectaculaires et des fantaisistes. Mais ce qui s'articule aussi mal, ou plutôt si bien, quand on pense à la robustesse inégalable des théories du complot, à leur façon de tout intégrer, même les critiques qu'on leur adresse, ce qui s'articule là, c'est souvent un sentiment de délaissement, d'impuissance politique, de désespoir, tout simplement. On voit ainsi qu'en présentant le complotisme comme relevant du simple folklore intellectuel, de la pensée magique, on en désactive la charge politique. Pour parler en termes marxistes, le problème n'est plus tant la fausse conscience du prolétariat, chose dont on a longtemps su théoriquement rendre compte, que sa stupéfiante bêtise à aussi mal identifier les causes de son malheur. En cela, le complotisme ne serait que le nouveau nom de ce qu'on appelait autrefois la superstructure, l'ensemble des idéologies fausses qui entérinent ou qui voilent un état de domination invisible. Sauf qu'à l'appeler complotisme, on y ajoute cette composante morale que ceux qui croient au complot sont en dernier lieu des imbéciles plutôt que des dominés. Pour sortir de ce paradoxe, ou plutôt de cette impasse de la pensée sur le complotisme, qui va se réduire sinon à un jeu de ping-pong entre la classe dominante, celle qui lit les sites de type check news, et la classe inférieure, celle qui lit les sites dits de réinformation, il faudrait peut-être, à son tour, considérer la mythologie de la classe dominante comme relevant elle-même d'une sorte de pensée complotiste, les bourgeois au sens de Marx étant d'ailleurs tout autant aliénés que les prolétaires. Et donc quel serait le complot auquel souscrit la classe dominante ? Ben, ce complot, ça pourrait être un ensemble de croyances envers le caractère indépassable, sain et moralement juste de la social-démocratie. C'est la croyance par exemple à l'ascenseur social, la croyance au mérite, aux vertus de l'école et au travail toujours récompensé, la croyance au ruissellement et au premier de cordée, si l'on veut, à la politique de l'offre et à la redistribution raisonnable des richesses. Mais ce complotisme bienveillant révèle sa vraie nature en reconnaissant à demi-mot, glissant par là de la scène mythologie démocratique au jeu d'ombre du complotisme, l'existence d'une conjuration opposée aux intérêts de la social-démocratie et qui serait si large qu'elle serait menée par le peuple lui-même. Merci beaucoup Aurélien Bélanger. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Avril Poignant-Legoff avec Manon Delasselle, Clara De Giovanni, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbers, Esther Valencic qui réalise pour vous cette semaine autour de Diderot. C'était Jacques Azubert à la prise de son qui a fait tout ce qu'il pouvait pour avoir une liaison magnifique. Et c'est grâce à lui que l'émission a pu avoir lieu. Merci à Denis Podalides qui a prêté sa voix à Diderot cette semaine. Vous verrez, c'est un régal. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de cette série. Donc avec Diderot, on sera en compagnie de François Pépin. On parlera du rêve de D'Alembert. Comment voir le monde entier dans une goutte d'eau. Ce texte recèle des textes incroyables et je vous les donnerai à écouter demain et à découvrir demain. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission sur le site de France Culture, page des Chemins de la philosophie. Ou bien vous pouvez télécharger l'émission grâce à l'application Radio France qui vous permet d'écouter les émissions en direct ou en téléchargement. Vous verrez, elle marche très bien et c'est un bon moyen de nous écouter quand vous voulez. Rendez-vous demain à 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.